C'était une arme de gros calibre, du 11-43, l'arme des gangsters. Mais l'homme qui gisait maintenant sur ce trottoir parisien, touché par une seule balle mortelle, était pourtant bien étranger à l'univers de la pègre. C'était un éditeur, l'un des plus prestigieux, Robert de Noël, le découvreur de Louis-Ferdinand Céline. L'homme qui, après avoir édité « Voyage au bout de la nuit », avait publié, pendant la guerre, les œuvres les plus nauséabondes de l'écrivain, mais aussi celle d'Elsa Triolet, l'épouse de Louis Aragon. Un éditeur d'origine belge, passionné, instinctif et formidablement ambitieux, qui avait surgi dans le petit monde de l'édition à la fin des années 20 et qui avait bientôt taillé des croupières aux plus grands. Autant le dire tout de suite, de Noël avait des ennemis, beaucoup d'ennemis, des rivaux jaloux de son prodigieux succès, mais aussi des résistants qui ne lui pardonnaient pas d'avoir édité les textes antisémites de Céline sous l'occupation. Et puis, il y avait aussi la vie sentimentale tumultueuse de l'éditeur. Mais cela suffisait-il à expliquer pourquoi, un soir de décembre 1945, un mystérieux tireur l'avait assassiné? Et pourquoi les enquêteurs ont si vite, trop vite, évoquer un crime de rôdeur, alors qu'une somme de 12 000 francs, une petite fortune pour l'époque, a été retrouvée dans le portefeuille de l'éditeur. 60 ans plus tard, l'énigme demeure, Monsieur X remonte les pistes et tente de faire la lumière. No, rendez-vous avec X. Je dois tout d'abord vous dire que, malgré les années, l'assassinat de Robert de Noël demeure un sujet très sensible. Une universitaire américaine qui vient récemment de se livrer à une véritable enquête sur le sujet a rencontré de nombreuses difficultés. Oui, c'est-à-dire ? Les gens ont refusé de s'exprimer et son éditeur français a été dissuadé de publier ce livre. Pire, par prudence, cette chercheuse, Louise Stammann, s'est même interdit de divulguer le nom de son principal informateur, un ou une archiviste qui lui a permis de retrouver des pièces importantes du dossier de Noël. Ces réticences, enfin, ou la frilosité de ces témoins montrent en tout cas que la thèse du crime de rôdeur, hein, c'est ça, ne tient pas. En effet, c'est pourquoi 60 ans après, l'affaire de Noël reste un sujet brûlant. Et on ne peut pas s'empêcher de faire un rapport avec les circonstances dans lesquelles a eu lieu l'enquête de police dans les années qui ont suivi la guerre. Manifestement, cette enquête a été superficielle. Et il paraît évident que policiers et magistrats ont subi des pressions. Pourquoi? Pour étouffer l'affaire? Oui. Certaines personnes ne tenaient pas à ce que l'on découvre la vérité. Alors qui Écoutez, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est l'expression que vous aimez bien, hein, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de moi. Alors, si vous le voulez bien, commençons par la victime. L'homme de Noël. Jeune étudiant belge, il est passionné par la littérature. Et comme il se rend compte assez vite que malgré un joli brin de plume, il ne sera jamais un grand écrivain, il décide de se lancer dans l'édition. Et c'est pour poursuivre cet objectif qu'il débarque à Paris. Enfin, je vous passe sur les détails, mais ce jeune homme, dépourvu de tout moyen financier, va faire preuve d'une obstination à toute épreuve. Ah ouais. Et quand devient-il réellement éditeur? Son véritable premier livre, c'est Hôtel du Nord. L'ouvrage d'Eugène Dabi, hein, qui donnera naissance au célèbre film de Carnet. Oui, un livre qu'il réussit à éditer en s'endettant. Lui et Dabi, car l'auteur aussi a emprunté pour que son livre soit imprimé et édité. Hôtel du Nord, il faut le noter, a d'abord été refusé par Gallimard. Oui, parce que Dabi était un illustre inconnu à l'époque. Sans doute, oui, mais malgré une distribution artisanale, l'ouvrage connaît un vrai succès. Et Gaston Gallimard comprend vite son erreur. Il offre un pont d'or à Dabi pour l'arracher à De Noël et il obtiendra de signer un contrat pour les œuvres futures du romancier. Malheureusement pour lui, Dabi, vous le savez, ne sera l'auteur que d'une seule œuvre populaire. Mauvaise affaire pour Gallimard. Alors. Enfin, peu importe. De Noël a compris, en tout cas, que les grands éditeurs ne lui feront pas de cadeaux. Et sa rivalité avec Gaston Gallimard ne fera que croître. Ouais. On témoigne plus tard, hein, un autre conflit au sujet de Céline. C'est exact. Mais auparavant, ce jeune éditeur qui n'a pour lui que son esprit d'entreprise et un physique de séducteur a fait une rencontre capitale. celle de son futur associé. Steele. Hein, Bernard Steele. Ouais. Un jeune Américain, modestement fortuné, amoureux de la France, de sa culture et de ses vins. Steele, il faut le souligner, est juif. Or, plus tard, De Noël sera accusé d'antisémitisme. Mais alors, vous voulez le blanchir, hein? Non, mais je crois sincèrement que De Noël n'était pas viscéralement antisémite, comme ont pu l'être tant de Français avant-guerre. Toutefois, il reste qu'il s'est peut-être un peu laissé aller. Ah ouais, l'air du temps. Oui, surtout à cause de son grand auteur, celui qui a fait sa fortune, Céline. Pour faire la publicité de Céline, De Noël a en effet signé au moins un texte honteux et publié des horreurs. Ouais. Mais on en reparlera. Alors, Céline, justement, ce médecin inconnu. Louis-Ferdinand Destouches. C'est son véritable nom. Donc, Destouches, médecin des pauvres en banlieue parisienne, vient d'en terminer avec un énorme manuscrit. Voyage au bout de la nuit. Céline, qui n'a jamais été modeste, l'envoie chez Gallimard en affirmant que son livre, s'il est publié, obtiendra le prix Goncourt. Mmh. Toutefois, chez l'éditeur, on doute. Et puis, il y a ce style ébouriffant, ces expressions grossières. Non. Après avoir hésité, les lecteurs de Gallimard refusent le manuscrit. Et De Noël le récupère. Dans des conditions assez rocambolesques. Le jeune éditeur le lit immédiatement. Et il est subjugué, tout comme va l'être son associé Steele. Le contact avec le docteur Destouches est assez rugueux. L'auteur ne veut pas qu'on touche à son texte. De Noël parvient quand même à obtenir quelques coupes. Et en 1932, le livre est publié. De Noël a envisagé un gros tirage et une formidable campagne de publicité. Et tout ça, ça coûte cher. Ouais, et De Noël et Steele sont fauchés. C'est à peu près ça, oui. Mmh. À tel point que Steele demande à sa mère d'entrer dans le capital de la société. Bon, la suite, vous la connaissez. Oui, la parution du voyage est un véritable événement. Hein. Un choc littéraire, ouais. Oui. Et déjà, on parle du prix Goncourt, hein, mais c'est sans compter avec Gaston Gallimard. Gallimard furieux d'avoir manqué de flair et raté Céline. Gallimard qui s'agite dans la coulisse et finit par persuader une majorité de jurés de voter pour l'un de ses poulains. Mmh, un écrivain dont on a oublié jusqu'au nom. Et Céline, lui, n'obtiendra que le prix Renaudot. C'est un véritable scandale. Céline est fou de rage, mais ses livres se vendent comme des petits pains. En tout cas, pour revenir à De Noël, ce jeune éditeur est maintenant lancé et en quelques années, il fait de sa petite maison un poids lourd de l'édition. Et chacun lui reconnaît un vrai talent de découvreur. Et Céline demeure chez lui. Oui, malgré Gallimard qui veut absolument le débaucher. Au reste, les rapports entre Céline et De Noël sont très houleux. Le romancier l'injurie, l'accuse de le voler, le traite de parasite. Une parenthèse ici. J'ai retrouvé une lettre de Céline dans laquelle il évoque son éditeur De Noël. Il écrit ceci. Il n'a aucune parole, il ment comme il respire, il crapulaille le plus ingénument du monde. C'est un Belge, c'est un Jésuite, c'est un homosexuel. C'est un éditeur, ça fait beaucoup. Mais reprenons. Céline, il faut le noter, hein, se conduira plus tard de la même façon avec Gallimard. Hein. Oui, mais enfin, pour l'instant, il ne rompt pas avec De Noël et continue à publier chez lui. Ouais, des textes de plus en plus antisémites. Pour Céline, tous les maux de la France s'expliquent par la présence des Juifs. C'est de la folie, une folie criminelle qui exacerbe les haines et l'antisémitisme latent d'une partie de la population française. Et alors De Noël suit ? Par faiblesse, ou plutôt par cupidité, car Céline est un auteur qui vend. Donc De Noël consent à publier ses brûlots antisémites. Toutefois, Steele, lui, ne peut plus accepter d'être le co-éditeur de tels textes racistes. Et il finit par se retirer sans, il faut le noter, se fâcher avec son ami De Noël. Mais comment De Noël, lui, se justifie-t-il alors ? De façon très hypocrite. Il met en avant le fait qu'il publie par ailleurs des auteurs juifs. Freud, par exemple. Par ailleurs, il prétend qu'en tant qu'éditeur, il n'a pas apporté de jugement moral sur les œuvres de ses auteurs. Ouais, ça peut conduire aux pires dérives. Hein. Je suis d'accord avec vous. Et cependant, avançons. Hein. La guerre approche. De Noël abandonne ses affaires pour s'engager dans l'armée belge. Et il revient clandestinement à Paris en juin 1940. Là, mauvaise surprise, il découvre que les Allemands se sont emparés d'une partie de son commerce et de ses stocks. Même les locaux de sa maison lui sont interdits. Et pourquoi ? Parce qu'il a publié des ouvrages jugés anti-allemands. Bon, quoi qu'il en soit, De Noël est quasiment ruiné. D'autant que le départ de Steele a creusé un sacré trou dans les finances de la maison. De Noël, s'il veut continuer à publier, doit donc composer avec l'occupant et Vichy. Mmh. Parce qu'il n'a pas l'intention de mettre la clé sous la barre. Ah, aucunement, hein. Il veut sauver sa maison. Et les autres éditeurs français n'agiront pas autrement, à l'exception des Juifs, dont les maisons seront arianisées d'office. Calman Lévy, par exemple. Ouais. Il faut rappeler qu'à l'initiative de l'occupant, le syndicat des éditeurs paraphra un accord de censure. ils acceptent ainsi de ne plus éditer d'auteurs juifs ou de livres hostiles à l'Allemagne. Ça s'appelle de l'autocensure ? Absolument. Et les éditeurs respectent de même ce que l'on a appelé la liste auto, c'est-à-dire la liste des ouvrages interdits. Otto, comme le prénom d'Abetz, hein, l'ambassadeur allemand à Paris. Oui, un nazi qui encouragera toujours la collaboration culturelle entre notre pays et l'Allemagne. Mais vous n'avez pas utilisé le mot collaboration en vain. Naturellement. De Noël veut donc continuer. Et en octobre 1940, grâce à Abetz, justement, l'éditeur obtient l'autorisation de rouvrir sa maison. Comme la plupart des autres éditeurs, d'ailleurs. Mais il faut trouver de l'argent. Et il s'adresse à Vichy au travers du Crédit National auquel il demande un prêt. Un épisode peu glorieux dans la carrière de De Noël, car pour bénéficier de ce prêt, l'éditeur se livre à une véritable profession de foi en faveur du gouvernement de Pétain. Plus précisément, il affirme dans une déclaration écrite que les éditions De Noël contribueront à soutenir le mouvement de restauration nationale en publiant en particulier des livres édifiants pour la jeunesse. Des ouvrages exaltant l'esprit de sacrifice, le sens du devoir, l'héroïsme, etc. Oui, les valeurs de Vichy, c'est en effet très clair, ça. Mais en dépit de cette servilité, De Noël échoue à obtenir son prêt. Alors, toujours grâce à Otto Abetz, il va faire pire. Dick Pénaud, rendez-vous avec X. L'universitaire états-unienne Louise Stammann, qui a écrit un ouvrage sur l'assassinat de Noël, en esquisse le portrait suivant. Il existe de nombreuses descriptions de Robert de Noël pendant les années 30. Il est presque invariablement décrit comme intelligent, énergique, persuasif et distingué. Un grand nombre de ses contemporains remarqua particulièrement ses brillants yeux bleus étincelants d'intérêt et d'enthousiasme derrière ses lunettes rondes. Il semblait avoir de nombreux traits de séduction en commun avec Gallimard, désormais son principal concurrent. L'un et l'autre étaient charismatiques, diplomates et polis. Le succès venant, Robert fit également preuve d'une habileté manœuvrière qui n'était pas sans rappeler celle de Gallimard, avec, chez De Noël, une certaine propension aux filouteries et aux combines. À cette nuance près, les deux éditeurs ne jouaient jamais complètement carte sur table et ne dévoilaient jamais leur jeu. Le pire, avez-vous dit ? Oui. De Noël, tout en gardant le contrôle de sa maison, va s'associer avec un éditeur allemand. Collaboration économique. Oui, on peut voir les choses comme ça. Et ce faisant, De Noël prend un risque considérable. Bah, il croit peut-être, comme Pierre Laval, à la victoire de l'Allemagne. Bah, écoute, franchement, je ne sais pas. Il croit surtout à la victoire des éditions De Noël sur ses principaux concurrents. Ouais, d'abord Gallimard. Bien sûr. Et pour atteindre cet objectif, il est prêt à tout. Pour parvenir à ses fins et satisfaire l'occupant, il crée, fin 40, une autre maison d'édition, les Nouvelles Éditions Françaises. Mais ça ressemble étrangement à la NRF, ça. Ça n'est certainement pas un hasard. Ouais. Cette succursale va lui permettre d'éditer ce qui est impubliable chez De Noël. C'est-à-dire ? Les pamphlets antisémites de Céline, par exemple, les livres de Lucien Rebattet, un brillant journaliste pro-nazi de Je suis partout, et même des discours d'Hitler. Et puis aussi, ces livres édifiants destinés aux enfants. Oui. C'est assez grave, non, tout ça. Mais par ailleurs, sous la griffe de Noël, il publie ou réédite d'authentiques écrivains comme Elsa Triolet, Blaise Sandrard, Viala ou Céline. Pas le pamphlétaire halluciné, mais le romancier. Quand même publié. Triolet, la communiste, épouse d'Aragon. Ah, il ira même plus loin, puisqu'il soutiendra matériellement le célèbre couple, en les hébergeant, par exemple, alors qu'ils sont recherchés. Alors, pendant cette sinistre période de l'occupation, De Noël n'a jamais mieux mérité que le surnom que Céline lui a donné, le zèbre. Mi-blanc, mi-noir. Oui, ouais. L'homme du double jeu. Mais les autres éditeurs ne se conduiront pas différemment. Et ils publieront sous de faux nez des textes favorables à l'Allemagne ou à la collaboration. Et si Gallimard, lui, n'a pas accepté d'argent de l'occupant, il acceptera quand même de faire reparaître sa célèbre revue, la NRF, en confiant la direction à un collaborateur notoire, Drieux-La Rochelle. Mais on reparlera de ce double jeu, car il est peut-être au cœur de l'affaire qui nous intéresse. Auparavant, je voudrais évoquer une femme tout à fait extraordinaire. Qui ? Une certaine Jeanne Loviton, également connue sous son nom de plume, Jean Voilier. une femme très séduisante qui a d'abord été l'épouse de Pierre Frondet. L'homme à l'Isfano, c'est ça? Oui, un roman qui a eu un grand succès entre les deux guerres. Par ailleurs, Frondet était un auteur dramatique très fécond. Bien oublié, hein. Tout comme son épouse qui signait Jean Gaulier des romans assez médiocres. Mais cette jeune femme était entreprenante et persuasive. Et elle a facilement obtenu d'être publiée. Vous voulez dire en utilisant des arguments qui n'étaient peut-être pas seulement littéraires? Ça, c'est très possible. Jeanne Loviton, qui était par ailleurs avocate, a eu une vie sentimentale bien remplie et pouvait mener plusieurs liaisons de front. Ainsi, lorsqu'elle a rencontré Robert de Noël, à l'automne 42, elle était depuis longtemps la maîtresse de Paul Valéry et le restera jusqu'à la mort du poète. Enfin, il faut préciser que la jeune femme avait beaucoup de relations et menait un grand train et adorait le luxe. Mmh, femme dangereuse, hein. En tout cas, elle l'a été pour de Noël, mais enfin, n'anticipons pas. Mmh. Et quand ils se rencontrent, alors, c'est quoi? C'est le coup de foudre? Je ne sais pas. Toutefois, il est vrai qu'ils semblent faits l'un pour l'autre. En amour comme en affaires. Car ils vont rapidement s'associer. Jeanne a en effet hérité d'une petite maison d'édition. Doma mon chrétien. Immédiatement, de Noël décide d'investir discrètement dans cette modeste entreprise et d'y transférer quelques-uns de ses auteurs. Pour quelle raison? De Noël envisage déjà la fin de la guerre. Et il sait fort bien que la situation militaire n'évolue guère favorablement pour le Troisième Reich. Par conséquent, il prend ses précautions. Mmh. Car il imagine déjà, hein, donc on est fin 42, ça, mmh. Hein, car il imagine déjà qu'il risque d'avoir quelques ennuis lorsque la France sera libérée. Bah non, sans raison, bien sûr. La meilleure preuve, c'est qu'il commence à recevoir des lettres de menaces, et fin 1943, le Comité national des écrivains... Les écrivains résistants. Oui, ouais. Donc ce comité a adressé un avertissement aux éditeurs qui collaborent. Et de Noël est nommément désigné. C'est pourquoi il entend prendre les devants pour ne pas tout perdre si sa maison est mise sous séquestre, comme elle l'a déjà été en 1940. Et en dehors des éditions d'Homme à mon chrétien, il créera d'autres entreprises. Et encore des faunées, c'est ça, de la maison de Noël. Exactement, des sociétés écrans. Pour être tout à fait juste, cette diversification lui permet parfois d'échapper à la censure. Ainsi, au début 1944, alors qu'il vient de signer un nouveau contrat avec Céline, il publie un recueil de nouvelles d'Elsa Triolet. Le premier accro coûte 200 francs. Un livre qui obtiendra en 1945 le prix Goncourt. Mmh. Ah, c'est toujours le double jeu. Toujours, oui. Mmh. Et pendant ce temps-là, Jeanne et Robert filent le parfait amour et vivent même ensemble dans la superbe maison que la jeune femme possède dans le 16e arrondissement. Jeanne, qui participe activement à mettre en place ce labyrinthe financier qui devrait permettre à de Noël de s'en sortir à la libération. Et ça veut dire, c'est très important, que Jeanne Loviton n'ignore rien des affaires de son amant. Mmh. Au fait, vous ne m'en avez pas parlé, là. Est-ce que de Noël était marié? Oui, à une très jolie femme qu'il a connue en Belgique avant son arrivée à Paris. Mais il y a déjà longtemps que le ménage bat de l'aile. Et Cécile de Noël n'est pas moins infidèle que son époux. Toutefois, vaille que vaille, et malgré de nombreuses scènes, Robert demeure marié, même si l'un et l'autre pensent de plus en plus au divorce. Mmh. Et puisque nous en sommes à parler d'affaires sentimentales, de Noël, sait-il que Jeanne Loviton est la maîtresse de Paul Valéry? Non. Non, certes, il sait que son amante rend très souvent visite au vieux poète, mais elle prétend que Valéry est seulement un ami. Ah oui. Et de Noël ne se rend compte de rien? Mais lorsqu'il apprendra la vérité en 1945, après la mort de Valéry, il se produira un grand froid entre les deux amants. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah, il y avait longtemps, ça. Je vous en prie. Lorsque Paris est libéré, en août 1944, Robert de Noël a déjà commencé à préparer sa défense. Dès le mois de mai, il a vendu une de ses sociétés, celle qui publiait les nouvelles éditions françaises et d'autres textes antisémites. Oui, ça me paraît en effet plus prudent. Hein. Oui, d'autant que, dès la fin août, des voix s'élèvent pour demander une sévère épuration dans le domaine de l'édition. Sont désignés comme éditeurs pro-allemands les plus gros, tels Gallimard, Grasset, Armand Collin et de Noël. Et quelques jours plus tard, le Comité national des écrivains met en place une commission d'épuration qui exige le retrait de la vente de nombreux ouvrages, dont une dizaine, publiés par de Noël, directement ou indirectement. Est-ce que des inculpations suivent, là? Ah, pas tout de suite. D'ailleurs, de Noël prend les devants et se présente spontanément devant un juge d'instruction. Mais c'est vrai, les inculpations ne vont guère tarder. Sous quel chef, alors? L'article 75, c'est-à-dire les crimes contre l'État et tous les actes mettant en péril la sécurité de l'État. Il ne faut pas oublier que c'est ce chef d'inculpation qui a conduit l'écrivain Robert Brasillach au poteau d'exécution en février 1945. Oui, donc c'est extrêmement grave, hein, cette inculpation. Et De Noël, alors, est inculpé, vraiment? Au début de l'année 1945, oui. Mais je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. De Noël préparait sa défense. Et il lui est vite apparu que le meilleur moyen de se défendre, c'était de mettre en évidence que la plupart des grands éditeurs français n'avaient pas agi autrement que lui. C'est-à-dire qu'ils avaient eux aussi édité des livres favorables à la collaboration ou à l'Allemagne. Directement ou indirectement, grâce à des sociétés écrans. Oui, comme De Noël l'avait lui-même fait. Oui, De Noël qui ne s'estimait donc pas plus coupable que les autres et qui entendait le prouver. Et toujours avec l'aide de Jeanne Leviton, il a commencé à préparer une sorte de livre noir de l'édition française. C'est-à-dire qu'en fouillant dans les archives et divers documents, il a commencé à constituer un dossier accablant qu'il comptait produire devant la justice le jour où il serait jugé. Pas très bon camarade avec ses collègues, ce De Noël. Hein? Certes, mais enfin, il voulait s'en sortir, car il savait qu'il occuperait une sorte de position emblématique. Essentiellement parce qu'il était l'éditeur du plus grand écrivain antisémite. Mais Céline, oui. Bien entendu. Mais figurez-vous qu'au lendemain de son assassinat, en décembre 1945, personne ne retrouvera jamais ce livre noir ou ce dossier secret, comme vous voudrez. Et il était fatal qu'on se pose des questions au sujet de cette mystérieuse disparition. Rendez-vous avec X. Le procès de Noël aura lieu en juillet 1945. Monsieur X va tout de suite y revenir. Mais voyons précisément quelle est sa défense. Et là, je me réfère à l'ouvrage de Pascal Fouché sur l'édition française sous l'occupation. On lui reproche la publication d'une douzaine d'ouvrages sur environ 120 publiés de 1940 à 1944. Les pamphlets de Céline figurent en bonne place. À propos des réimpressions de Bagatelle pour un massacre et de L'école des cadavres, Robert de Noël précise qu'elles ont été effectuées à la demande de l'écrivain et qu'il lui était impossible de refuser la réimpression de l'auteur le plus lu pendant la période d'avant 1939. Personne ne l'a pris au sérieux, ajoute Robert Noël, surtout pas les Allemands, qui ne lui ont jamais consacré un article dans Signal ou ailleurs. Céline est un tempérament anarchiste, inutilisable pour des fins politiques. Quant au Baudra, précise-t-il, ce livre contient un tableau de l'Exode et n'apporte rien de nouveau dans son œuvre. Il a d'ailleurs été interdit par le gouvernement de Vichy. Robert de Noël comparaît devant ses juges en juillet 1945. Est-ce qu'il a l'intention là d'utiliser son dossier noir sur l'édition française? Non, ça c'est son arme secrète, au cas où les choses tourneraient vraiment mal. L'un des faits les plus graves qui lui est reproché est la cession de part de sa société à un Allemand. Ah oui, hein. Mais de Noël est décidé à se battre comme un beau diable, et il a des arguments. Il y a d'abord ce prêt qui lui a été refusé par Vichy. Et puis, il fait remarquer que cette transaction non autorisée par le ministère des Finances de l'époque lui a valu une forte amende. Ah oui, alors il estime avoir déjà payé, c'est bien ça. Oui, et aussi étonnant que cela paraisse, ça passe. Car De Noël déclare que le contrat excluait toute intervention de l'Allemand sur le contenu éditorial. Mais il y a d'autres accusations très lourdes. Hein, L'antisémitisme des textes qu'il a publiés. Mais aussi, est-ce encore plus grave, un texte publicitaire qu'il a écrit lui-même à l'occasion de la réédition du livre de Céline, Bagatelle pour un massacre. J'ai le texte sous les yeux. De Noël évoque, je cite, « la hideuse décomposition d'un monde possédé, pourri, liquéfié par plus d'un siècle de domination juive ». C'est difficile de faire pire. Hein? C'est vrai. Mais il y a des témoignages en sa faveur. Ceux de son personnel, mais aussi ceux de Louis Aragon et Elsa Triolet, par exemple, qui affirment que De Noël les a aidés, même cachés. Des juifs aussi, qui déclarent avoir été sauvés par l'éditeur. Bref, les aspects positifs l'emportent, et De Noël est reconnu innocent. Ah oui, alors il est donc quitté avec la justice? Non, car à la suite d'une dénonciation anonyme, c'est maintenant sa maison qui va être jugée pour collaboration avec les nazis. Un nouveau procès qui doit se tenir en décembre de la même année. Alors, l'homme s'en est sorti, mais pas son entreprise. Or, pour ce fou d'édition, c'est encore plus important, car il risque de tout perdre. Et pour éviter qu'on ne lui arrache son entreprise, Donnell imagine de la remettre à une personne de confiance et de continuer à la diriger dans l'ombre. Une personne de confiance. Et qui mieux que sa maîtresse pourrait exercer cette fonction. De Noël prépare donc un acte de cession qui comporte toutefois deux cases essentielles qui ne sont pas remplies. La date et le nom du bénéficiaire. Ouais, de blanc, quoi. Oui, ouais. Et s'il est condamné, il pourra toujours les remplir au dernier moment, quitte à antidater cet acte de cession. Enfin, au cours de ce procès, il entend bien se servir de son arme secrète. Ah oui, le dossier noir, la solution. Bien entendu, ouais. car ses confrères éditeurs ont été eux aussi inculpés au nom du fameux article 75. Le 2 décembre. Donc quelques jours avant le procès. Tout à fait. C'est ça. Donc ce jour-là, Jeanne Le Viton et Robert de Noël passent la journée à la campagne chez des amis. Il est prévu qu'ils resteront à dîner. Mais l'éditeur reçoit un coup de fil. Il faut qu'il rentre le plus tôt possible à Paris. Qui a donné ce coup de fil ? Ah ben ça, on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, les deux amants reviennent dans la capitale. Ils dînent chez Jeanne et de Noël, de nouveau, est appelé au téléphone. Un très long coup de fil. Et là encore, mystère. Puis ils sortent. En principe, ils vont au théâtre. C'est bizarre, enfin. On ne rentre pas précipitamment à Paris pour aller au théâtre. Je suis d'accord avec vous. Et à partir de là, c'est la plus totale confusion. Pourquoi, expliquez-moi. Parce qu'on ne dispose pratiquement que du seul témoignage de Jeanne Le Viton. Un témoignage souvent très flou. Toutefois, écoutons-la. Alors qu'ils se dirigent en voiture vers Montparnasse, ils sont victimes d'une crevaison au boulevard des Invalides. De Noël demande alors à Jeanne de se diriger vers le commissariat le plus proche afin d'appeler un taxi. Mais pourquoi un commissariat ? C'était comme ça à l'époque. Ah bon ? En outre, Jeanne, pour je ne sais plus quelle raison, disposait d'une carte de priorité. Donc, Jeanne part à pied tandis que De Noël commence à sortir la roue de secours. Mais n'était-il pas plus logique d'attendre ? Parce que, bon, remplacer une roue, ça ne demande pas plus de 10 minutes. Hein ? Encore une fois, je suis d'accord. Jeanne arrive à peine au commissariat lorsque les policiers reçoivent un coup de téléphone. Un homme a été abattu boulevard des Invalides. Ouais, de Noël. Hein. Mais qui a découvert le drame ? Pierre-Roland Lévy, un juriste attaché au cabinet du ministre communiste du Travail. Un ministère proche du boulevard des Invalides. Il n'était pas seul. Un autre juriste l'accompagnait, Guillaume Manotto. Ah, c'est l'écrivain ? Et futur mari d'Alice Savage. Oui. Curieusement, tous deux connaissent Jeanne Le Viton. Et quand cette dernière arrivera à son tour sur les lieux, ils feront comme s'ils ne se connaissaient pas. Et la presse n'évoquera jamais la présence des deux hommes. Encore bizarre, hein ? En effet. Et ça ne fait que commencer. Le corps, d'abord. Étrangement, il se trouve non pas près de la voiture, mais sur le trottoir opposé. Et il tiendrait encore dans les mains un cric et une manivelle. Mmh. Et comme s'il avait voulu se défendre. Oui, ça y ressemble. Mais l'autopsie démontrera qu'il a reçu une balle de gros calibre dans le dos. Dans ce cas-là, alors, il y aurait eu deux agresseurs, un devant, un derrière ? Peut-être, oui. Autre élément troublant. Alors que, très vite, la police, mais aussi la presse, évoque un crime crapuleux, on va retrouver une grosse somme d'argent sur le cadavre. Enfin, je poursuis. Lorsque l'épouse légitime de Noël arrive à l'hôpital, où le corps a été transféré, elle s'aperçoit que toutes les affaires personnelles de son mari ont disparu. Même son trousseau de clés. Elle pense donc, naturellement, que ces objets se trouvent chez sa maîtresse. La maîtresse dont elle connaît l'existence. Naturellement. Mais Jeanne Le Viton, qui, de façon absurde, dément avoir été l'amante de Noël, affirme qu'aucune affaire appartenant à l'éditeur ne se trouve chez elle. Ni ses clés, dont celle de sa maison d'édition, ni un précieux carnet où il avait l'habitude de prendre des notes sur ses sociétés écrans et sa comptabilité occulte. Enfin, la police accumule les négligences. Dès le lendemain, la voiture est remise au chauffeur de Jeanne Le Viton et les policiers ne se donnent même pas la peine de vérifier si l'un des pneus était réellement crevé. Ah oui. Des négligences coupables ? Ah ben ça, j'en suis persuadé. Et elles seront mises en évidence 5 ans plus tard, lorsqu'une deuxième enquête de police soulignera toutes les lacunes du dossier. Mais ce sera en vain. Parce que la justice, alors, on restera à la première hypothèse, crime crapuleux, crime de rôdeur. Hein. Oui. Alors pourquoi cet aveuglement ? Certains des protagonistes de cette affaire bénéficiaient de puissantes protections politiques. Ouais, alors les pressions ont été très nombreuses. Et très efficaces. On a parlé en particulier d'un ministre des Affaires étrangères et futur président du Conseil qui était très ami avec Jeanne Le Viton. Décidément, là, vous semblez la désiller. Hein ? Et encore, ne vous ai-je pas dit le plus important ? 6 jours. Après l'assassinat de Noël, Jeanne produit l'acte de cession de la maison d'édition. Et comme vous l'imaginez, les 2 cases blanches ont été remplies. Jeanne Le Viton devient, d'un jour à l'autre, la propriétaire de la maison de Noël. Ah oui, mais est-ce qu'elle a réellement acheté l'entreprise ? Elle l'affirme. Elle donne même le montant de la somme qu'elle a versée à son amant. Mais elle ne pourra jamais en fournir la preuve. Pourtant, malgré cela, cet acte de cession sera validé à plusieurs reprises par la justice et la veuve de Noël échouera à obtenir gain de cause et traduire sa rivale devant les tribunaux. Mmh. Et le fameux dossier noir, alors? Jeanne Loviton, toujours elle, affirmera qu'il n'a jamais existé. Alors même, vous avez dit qu'elle avait aidé de Noël à le constituer. C'est exact. Mmh. Un dernier mot. Elle vendra de Noël à Gallimard 6 ans plus tard. La revanche de Gaston. Une revanche posthume, oui, sur l'homme qui était devenu son principal concurrent. Et permettez-moi d'ajouter que s'il y avait un homme qui pouvait se féliciter de la disparition du dossier noir, c'était bien Gallimard. Et là, vous évoquez une possible collusion? Oh, je n'affirme rien, j'évoque des faits, uniquement des faits. Quand même, vous avez bien idée, hein. Écoutez, il n'y a que 3 hypothèses. La vengeance politique. C'est ce que croit, par exemple, l'avocat Roland Dumas. Le crime passionnel, mais c'est hautement improbable. Et le crime par intérêt. Quant aux circonstances matérielles de l'assassinat, je suis persuadé que ce soir-là, Robert de Noël avait rendez-vous avec ses meurtriers. Ah ouais, d'où ces coups de fil, là. En tout cas, j'ai cru comprendre laquelle de ces hypothèses avait votre faveur. D'autant que, d'après ses plus proches collaborateurs, Robert de Noël avait préparé une valise pleine de lingots d'or qu'il gardait dans son bureau. Pourquoi, là, pour fuir? Non, de Noël, toujours en vue de son futur procès, mais ne désespérait pas de voir certains hommes politiques influents à l'époque, des communistes par exemple, prendre son parti. Et dans ces cas-là, l'or est un puissant argument. Bien entendu, la valise n'a jamais été retrouvée. Mais de Noël l'avait peut-être donnée à ses assassins lors de ce mystérieux rendez-vous. Revenons à ce dossier noir constitué par de Noël et très embarrassant pour ses confrères éditeurs. Monsieur X a dit que Jeanne Loviton avait nié son existence. Or, dans les années 80, l'écrivain et journaliste Pierre Assouline, qui est en train d'écrire une biographie de Gaston Gallimard, la rencontre. Et voici ce qu'il peut écrire après. Jean Voilier, je vous rappelle que c'est le nom de plume de Jeanne Loviton, qui assiste aux réunions du syndicat des éditeurs en tant que responsable de la maison d'Oma Montchrétien, est convaincu que la profession s'est liguée pour se dédouaner de ses propres activités durant l'occupation et qu'elle est décidée à concentrer sa vindicte sur 3 éditeurs, Grasset, De Noël et Sorlot. Aussi, prépare-t-elle son procès avec De Noël jour et nuit pendant des mois en épluchant nombre de livres publiés de 1940 à 44 par tous les éditeurs et en relevant ceux qui font l'apologie de la collaboration. Une preuve évidente, et même un aveu, Jeanne Loviton connaissait le dossier noir. Un dernier mot, le livre de Louise Staman, Assassinat d'un éditeur à la Libération, a été publié par Edith, regrettons simplement quelques erreurs historiques flagrantes.